tourne pas. Va-t'en tout droit, il n'est plus temps, Nathanaël, pour la ferveur, car il n'est de poème, écrit heure après heure, par larmes et par sang, que nous n'ayons ourdi de Babil et de prose. Les sources ont tari, et Florence a perdu ses roses. Ne regrette jamais cette douceur. Le monde autour de nous est dur et se déploie comme un mer d'équinoxe avec tout son charroi d'épaves et d'espoir. Ces débris de chansons, d'amour et de remords. Le monde a des façons qui ne nous rendent pas nos morts. Oublie jusqu'au retour, ne reviens pas. La tendresse n'est plus qu'un sanglot qui te poigne. La tendresse n'est plus que ce lambeau de paille sur les reins décharnés d'une enfant somalie. La tendresse et ce gosse et ce trop lourd fusil qu'on tue d'un simple coup de crosse. Laisse tomber ce qui t'encombre là. Le malheur est pareil au bout des noix, trop mûr, brun et indélébile. Le malheur est impur comme ces dieux pervers inventés par les hommes contre l'amour et le bonheur. Le malheur est un opium qui fait demeure dedans ton cœur. Le bonheur n'est jamais, jamais au bout du pré. Oh, tu ne pourras rien, tu lutteras en vain. Tu te battais pour tes châteaux de sable fin contre la mer montante. Et c'était illusoire, car vainqueur ou vaincu, rien n'est dans la victoire. L'essentiel est dans le refus. Car vainqueur ou vaincu, rien n'est dans la victoire. L'essentiel est dans le refus. Car vainqueur ou vaincu, rien n'est dans la victoire. L'essentiel est dans le refus.